Ok, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence le cours 18 dans le livre Sharh Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan. On est toujours dans Al-Iman billah. Et là, aujourd'hui, c'est le hadith numéro 26. Et le titre de ce hadith, c'est « Ithbatu nuzulillahi ta'ala ila sama'i dunya ». C'est-à-dire le fait d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux durant le dernier tiers de la nuit. Et le cheikh, il a cité donc ce hadith, il dit « وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَلَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حين يبقى ثلث الليل الأخير ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Donc ici le hadith, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, il descend chaque nuit au dernier des cieux. Parce que vous savez qu'il y a sept cieux superposés. Et il descend au dernier des cieux, c'est-à-dire Sama' ad-Dunya. Sama' ad-Dunya, c'est le ciel qu'on voit la nuit quand il fait noir et quand il y a les étoiles. C'est ça, Sama' ad-Dunya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Nous avons enjolivé le ciel de la dunya, c'est-à-dire le plus bas des cieux, c'est-à-dire le ciel qui est le plus proche de notre terre ou de notre monde. Hein, Sama' ad-Dunya, c'est le plus bas des sept cieux. بِمَصَابِيحِ, avec des étoiles. Hein, Allah l'a enjolivé. Donc, ça, c'est Sama ad-Dunya. C'est ce que les kuffars, quand ils regardent, ils voient l'univers, ils disent, cet univers-là, c'est ça. Hein? Cet univers-là, c'est ce qu'on voit. L'univers qui est visible, ça, c'est Sama ad-Dunya. Au-dessus de ce Sama, il y en a sept autres. Et il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, il descend au plus bas des cieux et il demande, hein, il s'adresse au serviteur. Il dit, qui va m'invoquer pour que je lui réponde, pour que je l'exauce? Qui va me demander pour que je lui donne? Qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Et ça, c'est rapporté, comme je disais, par Al-Bukhari et Muslim. Donc, c'est un hadith sahih. Il n'y a personne qui peut renier l'authenticité de ce hadith-là. Parce qu'il est rapporté dans les deux livres les plus authentiques. Donc c'est quelque chose qu'on dit « muttafaqun alayhi », c'est-à-dire les ulama sont d'accord dessus, sur son authenticité. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là, il dit « Allahu Jalla wa ala mawsufun bil'ulouwi fawqa makhlouqatihi wa mawsufun bil'istiwa'i ala l'arsh wa mawsufun bi'annahu yanzilu ila sama'i d-dunya wa kullu hadha nuthbituhu lillahi azza wa jal » لأنه جاء بأدلة صحيحة فنثبت لله العلو ونثبت له الاستواء على العرش ونثبت له سبحانه النزول إلى سماء الدنيا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنحن نثبت نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة كما صح في الحديث ولا ندخل في تأويل ذلك أو في استنكاره بل نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء دون الدخول في الكيفية فلا نقول كيف ينزل وهل ينتقل من مكان إلى مكان يعني ونحن هذه الأسئلة التي لم يكلف بها ونحو هذه الأسئلة التي لم نكلف بها ولا فائدة منها ولكن نقول ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى فكيفية النزول لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك الاستواء، فلا نعلم كيفية استوائه جل وعلا. ولما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعدما أخذته الرحضاء يعني ثم أطرق رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه وقال يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. وهكذا كان السلف الصالح يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على معناه الصحيح الذي جاء به، ولا يتعرضون للكيفية. ونحن نثبت النزول كما نثبت الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى، ونقول الله أعلم بكيفية نزوله واستوائه. Donc on va traduire ce premier paragraphe. Le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il a comme attribut qu'il est au-dessus de sa création, élevé hein, au-dessus de ses créatures. Il a comme attribut également le fait qu'il s'est élevé sur son trône. Et il a comme attribut également le fait qu'il descend au dernier des cieux chaque nuit. Donc tout cela nous devons l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, tel que cela est rapporté dans les hadiths et dans les preuves authentiques. Donc nous affirmons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est fil ulou, il est élevé au-dessus de sa création. Nous affirmons que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Et nous affirmons que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné et comme il l'a décrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, le messager, en disant à son sujet qu'il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose à propos d'Allah, ça vient de la révélation aussi. Et ici, le cheikh il dit, nous affirmons donc que Allah descend au dernier des cieux à chaque nuit, comme cela a été rapporté de façon authentique dans le hadith. Et on ne rentre pas dans des interprétations de ça, hein, ou dans le but de critiquer ça, ou de condamner ça, ou de nier ça. Plutôt, nous affirmons cela tel que Allah se l'est attribué à lui-même, et tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a rapporté au sujet de son créateur, hein, et sans rentrer dans essayer de comprendre comment, ou d'imaginer le comment, ou de savoir le comment de cette descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne va pas dire par exemple comment il descend, hein, comme certains philosophes. Il y a des gens parmi les musulmans, ils se prennent pour des philosophes. Et ils veulent parler à propos d'Allah en se basant sur leur tête, au lieu de se fier à la révélation. Et donc, quand tu leur mentionnes un hadith, ils commencent à rentrer avec des milliers de questions. Mais comment il descend, hein? Et est-ce qu'il bouge d'un endroit à l'autre? Et est-ce qu'il quitte un endroit pour aller à un autre? Et des choses de ce genre. On n'a pas le droit de poser ce genre de questions de toute façon. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé ou chargé de poser ce genre de questions. Et même si on pose ces questions, même si on posait ces questions-là, il n'y a rien qui peut en découler de bon ou de bien. Il n'y a rien d'utile là-dedans. Parce que de toute façon, ça fait partie du raïb. Et le raïb, si Allah ne nous en a pas mentionné la réalité, on ne pourra même pas le connaître ou le comprendre. Alors à quoi ça sert de vouloir philosopher dans ces questions-là et de rentrer dans ce genre de questionnement-là? Donc, la façon ou le comment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui la connaît excepté lui. Et de même que la façon comment il s'est élevé sur le trône, il n'y a personne qui le sait excepté lui. Et la même chose pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque un homme est venu voir l'imam Malik ibn Anas à l'époque, il est venu voir l'imam Malik à Médine, il est rentré dans la mosquée et il s'est assis. Et il a posé la question à l'imam Malik à propos du verset dans surat Taha, le verset 5. Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Il a dit, Kayf astawa? Comment est-ce qu'il s'est élevé? Alors l'imam Malik, il a commencé à avoir des sueurs quand il a entendu cette question. Il a commencé à avoir des sueurs, hein, comme on dit, des sueurs froides. Des fois, on a des sueurs froides qui sortent. Parce que quelque chose est grave. Il a baissé sa tête. Et puis après, il l'a relevé. Et il a dit, ô toi, sache que al-istiwa, c'est connu. C'est-à-dire que le terme istawa en arabe, c'est un terme qui est connu dans la langue arabe, qui veut dire s'élever. C'est pas quelque chose que les gens ignorent. Wal kayfu majhoul, et le comment, il est ignoré. C'est-à-dire on ne sait pas. Wal imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Wal su'alu anhu bid'ah, et c'est une innovation, une bid'ah de poser ce genre de questions à propos du comment. Alors, le cheikh, il dit, puis ensuite, il a ordonné à ce que cet homme soit expulsé de la mosquée. C'est-à-dire qu'on le sorte de la mosquée. Parce que l'imam Malik, c'est le mufti de Médine à son époque. Il a le respect, il est écouté. Et quand il appelle les gardiens de la mosquée, qui gardent les portes, s'il leur dit, faites sortir cette personne, ils le prennent et ils le font sortir direct. Hein? C'est comme ça que les salaf faisaient avec les gens de bid'ah. Alors, les salaf, salaf al-salih, en commençant par les sahaba et ceux qui les ont suivis comme l'imam Malik et d'autres grands imams également, eh bien eux, ils affirmaient tout ce que Allah s'est affirmé. Ils affirmaient à Allah tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, selon la signification qui est exacte et connue. De ces attributs-là. Sans rentrer dans le comment, et sans essayer d'imaginer le comment. Et la même chose, on affirme, nous, la descente, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, de la même manière qu'on affirme qu'il s'est élevé sur le trône, et qu'il est au-dessus de toute sa création, et au-dessus de tout. Et on dit, Allah connaît mieux le comment de sa descente, et le comment de son élévation sur le trône. Le cheikh il dit ensuite فَقَوْلُهُ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِيهِ إِثْبَاتُ النُّزُولِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَهُوَ أَمْرٌ مُتَوَاتِرٌ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُؤَلَّفًا مُسْتَقِلًّا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ سماه شرح حديث النزول وهو مطبوع ومنتشر ولله الحمد وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. Le cheikh il dit que en ce qui concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur descend au dernier des cieux, eh bien il y a dans ça le fait d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala descend, et c'est une chose qui est mutawatir. Mutawatir, ça signifie que c'est rapporté par un nombre immense de rapporteurs, et que c'est tellement un nombre grand parmi les rapporteurs qui l'ont rapporté que c'est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Hein? Personne ne peut renier ou mettre en question l'authenticité de ça. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a même écrit un livre sur ce hadith là seulement, et pour l'expliquer. Et le hadith, le livre en question, il est publié, il existe actuellement. Il s'intitule « Sharh hadith al-Nuzul », c'est-à-dire l'explication du hadith de al-Nuzul. C'est un volume pour un seul hadith. Na'am, un seul hadith, il fait un volume avec. Subhanallah, na'am, ça c'est les ulama. Quand ils commencent à expliquer, ils rentrent vraiment dans des détails. Et donc ce livre-là, il est publié, il existe, il est en vente dans les librairies, dans les pays musulmans. Alhamdulillah. Et ça fait partie de la aqidah des gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Il dit ensuite wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam an rabbih annahu yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu فيه فضل وقت آخر فيه فضل وقت آخر الليل أي الثلث الأخير منه وفضل قيام العبد في هذه الفترة وصلاته ودعاؤه واستغفاره وتوبته وسؤاله لربه من من أجل أن ينال هذه الكرامات من الله جل وعلا، فلا تمر عليه هذه الفترة وهو نائم، بل يقوم في الثلث الأخير من الليل ويتعرض لنفحات الله ويحظى بهذه الإجابات منه سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il mentionne les paroles de son Seigneur dans ce hadith, quand il demande qui va m'invoquer pour que je lui exauce sa demande, qui va me demander pour que je lui donne, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Il y a dans ça donc le mérite, hein, et l'excellence de cette période de la nuit qui est le dernier tiers de la nuit. Il a un mérite particulier puisque c'est dans cette période là que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit, et donc il y a dans ça l'excellence et le mérite de faire des prières durant ce moment là d'invoquer Allah, de faire des du'as, de demander pardon, de se repentir et de demander à Allah tout ce qu'on a besoin de lui demander dans le but de justement obtenir de la part d'Allah toutes ces offres que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Et donc il n'y a pas un temps, lorsque ce temps-là qui passe par exemple pendant le dernier tiers de la nuit, qu'on devrait laisser passer. On devrait essayer le plus possible de profiter de ce temps-là de la nuit pour invoquer Allah et de ne pas laisser passer cette période-là sans en profiter. Alors au lieu de dormir, on devrait essayer donc de se lever, hein, pour prier à ce moment-là. Et si quelqu'un par exemple il se lève un peu plus tôt avant le Fajr, avant l'aube, même si c'est juste 10 minutes avant l'aube, il a le temps de faire raka'atayn et de faire des du'as. Et il a cette possibilité justement d'obtenir ce mérite-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important. Et n'importe quel musulman, par exemple, il y en a des fois les frères qui me posent la question, ils me disent j'aimerais ça par exemple obtenir telle chose ou pouvoir être accepté dans tel programme ou dans telle chose ou dans tel aller à étudier dans tel pays ou pouvoir faire telle ou telle chose ou me marier ou des choses comme ça. Je dis mon frère, oublie jamais de demander à Allah et lève-toi pendant les derniers tiers de la nuit et fais des invocations. Allah il va t'exaucer. Et je me rappelle que j'ai déjà été dans ces situations où à l'époque je voulais aller étudier à Médine et je me levais pour demander à Allah, je faisais dans les derniers tiers de la nuit, je demandais à Allah et Allah il m'a fait être accepté à Médine. Donc c'est pour dire des fois quand tu veux vraiment quelque chose, hein, c'est la meilleure façon pour l'obtenir de se lever dans les derniers tiers de la nuit et implorer Allah pour obtenir quelque chose que tu veux vraiment. Après, le dernier tiers de la nuit, il n'y a pas de moment comparable. Il n'y a pas d'autre moment qui est comparable à ce moment-là. Parce que le hadith, il est clair. Allah, il descend au dernier tiers de la nuit seulement. Donc, ça veut dire que les autres moments de la journée, il va t'exaucer. Et c'est vrai qu'il y a des moments de la journée où Allah, hein, les du'as sont plus exaucés que d'autres. Parce que c'est des moments qui ont des mérites particuliers. Mais dernier tiers de la nuit, il a un mérite vraiment plus particulier que les autres. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Et le Cheikh il dit, وَهَلِ التَّأْوِيلِ وَأَهْلُ التَّأْوِيلِ يُؤَوِّلُونَ هَذَا الْحَدِيثِ يُؤَوِّلُونَ هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِمْ إِنَّمَا يَنْزِلُ أَمْرُهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَنَحْنُ نَقُولُ هل الأمر الذي أولوا به النزول يقول من يدعوني فأستجيب له أو من يسألني فأعطيه، وهل الأمر يغفر، وهل الأمر يجيب الدعاء ويتوب على التائب؟ ما أقبح هذا التأويل؟ الحديث واضح في أن الله ينزل بذاته نزولا حقيقيا لا أمره، إذ إن أمره ينزل إلى السماء الدنيا وإلى الأرض كل وقت وليس في وقت مخصوص. والواجب علينا والحالة هذه الإيمان بما جاء في يعني بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا ندخل في الكيفية. وبعضهم يورد شبهة أخرى في هذا الحديث ويقول ثلث الليل الآخر يختلف باختلاف الأقاليم، يعني نقول إن هؤلاء يبحثون في أمور لم يكلفهم الله بالبحث فيها، فالذي خلق الليل والنهار وخلق الأقاليم قادر أن ينزل نزولا يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء سبحانه. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو سبحانه أخبرنا أنه ينزل فنقول ينزل، سواء اختلف الليل أو اختلفت الأقاليم، والله تعالى أعلم. Donc le cheikh il termine ce hadith là et son explication en disant que il y a des gens qui vont essayer de déformer le sens de ce hadith et qui vont interpréter le hadith d'une manière qui est fausse. Ils vont dire par exemple c'est pas Allah qui descend, c'est l'ange qui descend, ou c'est le commandement d'Allah qui descend. Et le cheikh il dit non, ça c'est pas possible. Est-ce que tu vas dire que c'est le commandement d'Allah qui dit, qui va m'invoquer pour que je l'exauce, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, hein? Est-ce que l'ange peut demander ça? Est-ce que l'ange peut dire qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? L'ange il peut pas pardonner et le commandement d'Allah il pardonne pas, c'est Allah qui pardonne. Donc d'essayer de déformer le hadith de cette manière, c'est inacceptable. Et le hadith il est clair dans le fait que c'est Allah lui-même qui descend de façon réelle, et non pas son commandement ou un ange. Et son commandement, il descend à tous les moments de la journée et de la nuit. Pas seulement à un moment spécifique de la journée ou de la nuit. Donc de spécifier que qu'est-ce qui descend au dernier tiers de la nuit, c'est pas Allah, mais c'est son commandement ou son ordre ou son ange, ça c'est un mensonge. Les anges, ils descendent le jour, ils descendent la nuit, ils descendent à n'importe quel moment. De même que le commandement d'Allah. D'accord? Donc, ça nous indique que l'obligation pour nous, c'est de croire en tout ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et de ne pas rentrer dans le comment ou essayer de définir le comment des choses. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le comment. Et il y en a d'autres aussi qui disent, par exemple, que comment est-ce possible que Allah dise que, par exemple, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise ici que Allah descend au dernier tiers de la nuit, puisque le dernier tiers de la nuit, c'est toujours différent selon la période ou l'endroit dans le monde. C'est-à-dire que le dernier tiers de la nuit, peut-être que maintenant en Chine ou en Arabie Saoudite, c'est le dernier tiers de la nuit, puis après ça va être ici, puis après ça va être ailleurs. Et le cheikh, il dit, pourquoi tu commences à chercher dans des choses que Allah ne t'a pas ordonné de chercher? Est-ce que Allah t'a demandé de déterminer ou d'essayer de comprendre, de savoir comment il descend le dernier tiers de la nuit? Et comment est-ce qu'il descend à différents endroits ou des choses de ce genre? Il dit, le cheikh, l'important c'est juste que toi tu crois que Allah il descend. Il a dit qu'il descend, alors toi tu dois croire qu'il descend. Il descend comme il veut, quand il veut, et ça s'arrête à cet endroit-là. T'as pas à essayer de rentrer, toi, avec ta tête, pour essayer de comprendre le comment et de définir la façon et les divergences et les divergences de lieux ou de fuseaux horaires ou des endroits sur Terre ou de peu importe. Ça, c'est pas ta question. Et de rentrer dans ce genre de questions, ça aussi, ça rentre dans les bid'ahs. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux par rapport à ce genre de questions-là? C'est que ça t'amène dans d'autres questions qui risquent de faire tomber, même peut-être dans le kufr, ou même de dire des paroles de très graves à propos d'Allah, si tu fais pas attention. Donc, de ne pas ouvrir ce genre de questionnement, de ne pas ouvrir ce genre de porte, mais de t'arrêter là où le texte s'est arrêté et de te soumettre et de croire en Allah tel que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit et tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit également. Et donc nous on va s'arrêter aujourd'hui pour ce hadith maintenant, puis on continuera le hadith suivant au prochain cours inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est juste pour dire aussi en même temps qu'à l'avenir, inshallah, dans les semaines qui viennent, le vendredi, au lieu de faire le cours après le dhuhr, on va le faire après l'asr. Parce que le cours, pas le cours, mais la prière de Asr va être directement après. Directement à l'entrée du temps. Donc après la prière de Asr, on va tout de suite commencer le dars. D'accord? Ok. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.